Chapitre 1er. C'était en 1877, au mois de mai, que Mademoiselle Huertrel devint d'un jour à l'autre célèbre pour sa beauté dans ce que les journaux, plus particulièrement parisiens, appellent le monde. Entendez par là cette société à demi-européenne, à demi-française, qui peuple la plus grande partie des hôtels situés autour du parc Monceau et de l'Arc de Triomphe, ainsi qu'un petit nombre des vieux hôtels de la rive gauche. Cette société a ses revenus bien établis, son étiquette stricte, ses galeries de tableaux authentiques, ses équipages soigneusement tenus, ses loges à l'opéra, ses réceptions retentissantes, bref, tout un opulent décor de haute vie. Et c'est bien un monde, mais plus du tout au sens où les chroniqueurs de l'élégance auraient pris ce mot voici 50 ans. Ce monde moderne représente bien l'époque, dont il forme l'aristocratie luxueuse, en regard de ce qui reste de l'ancienne aristocratie, toujours debout dans sa défaite, parfois puérile dans cette défaite, mais si fière, si haute encore, si réellement noble et rare. Il est ce monde du chic et de l'argent, comme cette époque, mouvant et improvisé, tout contradictoire et dépourvu de tradition. La grande fortune, pourvu qu'elle ait été acquise sans trop de scandales, enfonce la porte, comme le talent, pourvu qu'il ne se montre pas dans son natif égoïsme. La ruine, en revanche, met à cette porte une barrière qui ne se lève guère. Mais précisément parce qu'il en est ainsi, tout incertain et momentané, ce monde nouveau ne saurait pratiquer dans ses mœurs la logique de la vraie société. Il a ses exclusions cruelles et inexplicables, comme il a ses surprenantes indulgences. La mère de Noémie bénéficia d'une de ces indulgences. Elle arrivait de Bruxelles où son mari, le comte Huertrel, homme de finance et de politique, avait plus que décuplé par des spéculations habiles une fortune déjà considérable. Et elle parut d'abord dans le salon de la princesse Vierchovna, une très grande dame russe et très à la mode. Les deux femmes s'étaient connues aux eaux avant leur mariage. Ça avait été entre elles une de ces amitiés de la 18e année qui précipitent de jeunes filles au bras l'une de l'autre et les font se tutoyer dès le premier jour, quitte à s'oublier dès la première absence. Mais il reste convenu, de part et d'autre, qu'on est demeuré amis intimes. Et lorsqu'on se retrouve après de longs intervalles, on s'accable des preuves de cette amitié, plus sincère peut-être que bien des liaisons d'une intimité apparente. Car deux amis, ou deux amis eux, qui ne vivent jamais ensemble, n'ont à se reprocher aucun des cruels abus de la familiarité, ces tronçons trop fréquentes de tant d'affections menteuses. Et puis, ceux qui nous ont été chers tout jeunes et que nous avons perdus de vue, c'est le moment idéal de notre jeunesse que nous continuons de chérir en eux. La princesse Vierchovna fit donc pour sa chère Sylvie, comme elle avait continué d'appeler cette amie de passage, tout ce qu'elle aurait fait pour une sœur, quand la comtesse Huertrel manifesta le désir de s'établir à Paris sous le prétexte de mieux marier Noémie. Elle donna en son honneur une fête choisie qui révéla du même coup à tous et à toutes le magnifique coucher de soleil de la beauté de la mère et la délicieuse aurore de celle de la fille. Mais à qui cette dernière avait-elle pris cette beauté-là? Car le comte Huertrel était épais et court, avec un visage d'homme de proie, tout en nez et en menton, et la comtesse avait une splendeur un peu massive, un visage pâle et mat, des cheveux presque trop noirs, des sourcils qui faisaient barre sous un front bas, et une ombre de duvet dans le coin des lèvres. Oui, de qui donc Noémie tenait-elle cet or fluide de sa chevelure, cet ovale si finement allongé, cette transparence de son teint, cet éclat si clair de deux yeux bleus qui, dans la même minute, pétillaient d'esprit, où se noyait de rêve et s'alanguissait, cette souveraine aristocratie de ses gestes et de ses sourires. Beaucoup de femmes qui ne connaissaient la physiologie que par leur expérience d'alcôve, mais cette expérience possède ses terribles certitudes, durent penser, en considérant la grâce aisée des attitudes de Noémie, le je ne sais quoi de merveilleusement souple répandu sur toute sa personne, les attaches menues de ses mains un peu longues et de ses jolis pieds, qu'il y avait derrière ce charme suprême quelques mystères d'amour clandestin. et plusieurs hommes, de ceux auxquels les médisances de cet ordre sont si habituelles qu'ils n'en sentent plus la férocité, et qui put aller beaucoup dans le monde sans risquer d'y devenir à la fois féroce et insouciant, racontèrent qu'en effet un jeune lord anglais, et ils le nommèrent, mort depuis des années, et ils dirent la date et comment, avait été l'ami très intime de Madame Hurtrel aux environs de la naissance de Noémie. Et c'était vrai. Seulement, quoique personne ne mît en doute une minute la vérité de cette anecdote, personne non plus n'y crut tout à fait. La prodigalité des médisances et des calomnies qui se débitent à Paris ayant du moins ce bon résultat d'établir à leur endroit une sorte de scepticisme fondamental qui se résume dans la formule banale « on dit tant de choses ». Et nul ne se soucia de vérifier plus exactement l'origine de l'adorable figure de Mademoiselle Hurtrel, qui apparaissait plus adorable encore dans le cadre que lui faisaient les salons de la princesse, si joliment disposée, et qui mélange avec un goût habile le large luxe des grands seigneurs d'autrefois à la minutieuse opulence de notre mode contemporaine. Dès le premier soir où elle fit cette entrée triomphale dans l'admiration des hommes et des femmes qui composaient le cercle de l'hôtel Virchovnia, Mademoiselle Hurtel fut jugée d'une façon sévère par l'opinion, invisible arbitre aux arrêts duquel nous nous soumettons d'autant plus volontiers lorsqu'il frappe sur autrui, que nous y trouvons d'ordinaire de quoi satisfaire nos secrètes rancunes, et cela sans responsabilité. Ce fut de la part des femmes la revanche de l'envie que leur inspira aussitôt l'indiscutable supériorité de cette créature, parée comme d'un triple collier de perles sans prix, de jeunesse, de richesse et de séduction. Ce fut de la part des hommes la malveillance innée qui les porte à flétrir les femmes dont ils admirent le plus la beauté, comme si, en avilissant d'abord par la pensée une créature charmante, il se vengeait d'avance de celui qu'elle aimera et qui ne sera pas eux. « Cette fille-là est née d'adultère », avait dit d'elle l'affreux vicomte Ted, qui a sur sa conscience de vieux beau de 50 ans tous les crimes privés qui peuvent impunément se commettre dans les ténèbres des intrigues galantes. Et de fait, Noémie adopta tout de suite vis-à-vis des hommes un ton hardi et libre, qui le parut davantage tant il contrastait avec l'aspect romanesque de sa personne physique. Très décolletée et montrant de ses jeunes épaules délicatement modelées dans leur maigreur tout ce que la coutume, alors déjà si complaisante, permettait d'en montrer, elle avait une manière de regarder les gens bien en face qui ressemblait à de la provocation. Mais son rire, surtout, pouvait, au jugement des observateurs vicieux qui l'entouraient, corroborer le mot méchant du vicomte et pronostiquer le plus dangereux avenir. C'était aux minutes où elle se laissait aller à sa gaieté, un de ces rires très hauts et très éclatants que connaissent bien les hommes qui ont beaucoup fréquenté les filles, rire énervé comme il en retentit dans les cabinets particuliers, rire de femme insolente, qu'elle lançait en montrant ses jeunes dents blanches. Et tout cela faisait un ensemble qui n'était pas loin d'être de mauvais goût. D'autant qu'aussitôt installée dans le monde, elle affecta les longs tête-à-tête dans les coins de canapé, les appels adressés à un homme de l'un à l'autre bout d'un salon et d'une voix claire, bref, toutes les habitudes de la coquetterie la plus abandonnée. Mais si c'était là de quoi la distinguer un peu des autres jeunes filles de sa société, ce n'était pas de quoi la distinguer beaucoup de la plupart des jeunes femmes. Et puis, la princesse et sa puissante coterie avaient adopté les dames Hurtrel. Leurs millions étaient bien et dûment avérés. L'hôtel qu'elles avaient loué dans l'avenue du Bois de Boulogne parfaitement situé. Leurs réceptions, quand elles en donnèrent, furent d'une élégance irréprochable. Le comte, qui avait continué d'habiter Bruxelles à cause de ses affaires, se montrait à Paris assez souvent pour que la mère et la fille ne pussent prendre une vilaine et douteuse tournure d'avant-hier. D'ailleurs, elles s'acquittèrent de leurs devoirs sociaux avec une ponctualité scrupuleuse. On ne connaissait pas d'amant actuel à la comtesse. Et quant à Noémie, si son allure demeurait à peine dans les limites des bienséances convenues, du moins cette hardiesse avait-elle au regard de tous les hommes l'avantage de rompre l'affreuse monotonie de certaines réunions mondaines, grands dîners, grands bals et jours de visite officielle. Une fois de plus, on excusa l'excentrique attitude de Noémie en prononçant à propos d'elle une de ces formules qui sont des pensées à l'usage de ceux qui ne pensent pas. On répéta « ces étrangères ». et on s'amusa de l'esprit et de l'audace de la jeune fille, en attendant qu'on s'en servît pour la déshonorer.